bouteilles. Pourtant, me dit imbuvable. Voyelle en syllabes. Des jeux de mots minables. Oh, qu'as-tu fait de moi? Perdu corps et âme. Au-delà des saisons, comme une fleur qui se fane, et je m'efface sans laisser de traces, et je m'éclipse pour changer la piste, et je m'efface sans laisser de traces, et je m'éclipse. J'ai eu mon heure de gloire. Des nuits sans voir le jour, des chapelets d'inquiétude sous la lumière de l'abat-jour. Et je me mine d'aller toujours au charbon, d'être le bout en train, le dernier wagon. Derrière mes paupières, faire table rase du passé, détourner la tête, oser le contre-pied, fuir l'évidence, changer la mise en scène. Fais de moi les tueurs sans ouvrir les veines. Je m'efface sans laisser de trace, et je m'éclipse pour changer la piste, et je m'efface sans laisser de trace, et je m'éclipse. Sur les ballastes tu m'égares. Quand tu m'étreins je reste à gare. C'est trop d'honneur à mon égard. J'ai dû quitter les bossonnets, entre parquet et plainte osée, jugé comme un chien sans rien comprendre. J'ai trop brûlé les planches. Il faut descendre. La trame, les mots, les lignes, vice-versa, je fuis la guigne. Ne pas sombrer en première ligne, et ça s'emballe dans la lucarne. Et je m'étale au bras de carne, je regarde à l'ouest à quoi ça rime. Mais réussir à se tailler, oh, ça mine. Mais réussir à se tailler, et je m'efface. Sans laisser de trace, et je m'éclipse pour changer la piste, et je m'efface sans laisser de trace, et je m'éclipse, et je m'efface, et je m'éclipse.